je perds mes repères. Tu n'es plus là pour me dire, au creux de la mer, nous pourrions tout tenir. L'univers de mon rêve n'a que toi en son centre, et je crève de la trêve de tes cheveux sur mon ventre. Je crois. Je pleure.